parce que t'as tout dit, tout donné, qu'il te reste rien pour aimer. Je choisirai la liberté pour oublier. Puisque t'as tout pris mais rien gardé, de mauvais amours passagers, c'est le reflet de tant d'années qui t'a changé. Moi dans tout ça, je suis dans le brouillard, autour de moi y'a plus d'espoir, juste des lendemains dans le noir encore sans toi. Parce que c'est la peur qu'a triché, laissant ton cœur encore de côté. Mais les regrets viendront chanter pour t'appeler. Parce que c'est la faute à personne, même si mon corps et ma peau frissonnent, y'a que le son de tes mots qui résonne encore en moi. Toi dans tout ça, tu dis que tu crois qu'on a tous un jour de l'espoir, qu'il faut d'abord trouver l'amour pour ça. Qu'il faut trouver l'amour pour ça. Puisque c'est la fin du voyage et de nos fièvres interminables, un goût amer s'installe en moi comme autrefois. Pourtant je savais que ce rêve m'emporterait vers l'irréel, avec ce doute depuis le départ que c'était pas pour moi. Quand je pense à ça, je me dis tout bas qu'on a tous des raisons de croire qu'à force de vivre comme ça, y a plus d'espoir. Qu'à force de vivre comme ça, y a plus d'espoir. Je pense à ça, je me dis tout bas qu'on a tous des raisons de croire qu'à force de vivre comme ça, y a plus d'espoir. Qu'à force de vivre comme ça, y a plus d'espoir.